Chapitre 16e. Gueule de bois. Le lendemain de ce 14 décembre 1790 mémorable, Aix était amorphe, comme après une cuite. Ces événements avaient frappé de stupeur une partie de la population, partageant l'avis des quatre amis trouvant que les clubs, en particulier celui des antipolitiques, avaient été beaucoup trop loin dans la fureur et l'acharnement. Malgré le silence revenu, la municipalité, se sentant fortement coupable, avait à cœur de redorer son image. En conséquence, cédant aux injonctions véhémentes de l'abbé Rive, plusieurs arrestations eurent lieu, en ville et aux alentours. Pour éviter des troubles, on devança même les desiderata de l'abbé. Malheureusement, beaucoup de personnes jetées en prison étaient seulement soupçonnées d'être anti-révolutionnaires, souvent sans fondement. Sous couvert de toilettage politique, les sbires de Rive sautèrent sur l'occasion pour régler quelques vieilles affaires personnelles. Ainsi, des cocus choisirent de se venger, des endettés d'effacer leur ardoise. On en vit même certains qui n'hésitèrent pas à en profiter pour hériter. Les quatre artisans se replièrent sur leur travail, autant pour fuir le climat délétère du moment que pour attraper le retard pris dans leurs commandes. Néanmoins, sentant de quel côté soufflait le vent, Corentin et Anicet continuèrent à fréquenter la chapelle Bourbon, de peur d'être accusés de manquer d'ardeur révolutionnaire. Toutefois, dans les lendemains des événements, ils sentirent qu'inévitablement l'écart se creuserait entre les modérés et les enragés. Dans l'entourage des deux couples, ceux qui les connaissaient bien avaient compris qu'un chassé-croisé amoureux avait été opéré. L'Église n'ayant plus sa puissance moralisatrice, on ne se risqua pas à les accuser de luxure et d'adultère. Jeanne n'osa trop rien dire, car après tout elle s'en moquait totalement. Du moment que les gens étaient heureux, quelle importance. Seul Hyacinthe poussa Léo au cri quand il comprit leur relation. Anicet, tu n'as aucune moralité. S'amuser à la bigamie, quand je pense que moi je suis veuf, et en plus Corentin joue aussi à l'oriental. T'es, vous me dégoûtez tous les deux. Il fallut lui expliquer calmement la situation qu'il finit par accepter, non sans maugré. Du coup, cela sembla réveiller sa libido, et il entreprit Angèle, jalousement défendue par Jeanne, et définitivement étrangère à tout transport amoureux après ce que la pauvre avait subi. De plus, un sursaut de religiosité lui revenait, et elle tentait de regagner son paradis. Hyacinthe se rabattit alors sur Jeanne, dont l'humeur et l'apparence s'amélioraient de jour en jour, faute de grive. Un soir, à la fermeture de l'échoppe, Jeanne était venue chercher une paire de bottines à réparer. Très en forme, Hyacinthe l'entreprit carrément, et Jeanne, bonne fille, par curiosité, le laissa faire. Ce fut un échec pour chacun d'eux. Bien qu'il eût joui, Hyacinthe se souvint de son épouse et finit par pleurer de chagrin. Quant à Jeanne, elle eut mal, et ce fut bien la seule chose qu'elle en retira. Selon sa franchise habituelle, elle s'en ouvrit à Manon. « Tu comprends ? Ces choses-là, dit-elle en montrant son entrejambe, quand ça n'a pas servi depuis longtemps, ça ne fonctionne plus comme il faut. Bast, ça m'a coupé l'envie de recommencer. » En revanche, Manon surveillait les relations de Jeanne avec Angèle. « Dis, ma grande, qu'est-ce que tu fricotes avec Angèle ? Fais attention, hein, je t'ai à l'œil, tu crois que je ne te vois pas ?»« Malheureuse, mais tu ne la connais pas. Si jamais je m'avisais de faire ce que tu imagines, je crois que pour le coup elle irait se jeter dans la fontaine. Mais tu es complètement folle d'aller penser de telles choses. Moi, je ne te dis rien sur Anicet, alors fiche-moi la paix, mauvaise. Tout le monde n'a pas le cul aussi chaud que toi. » De fait, Jeanne ne mentait pas. Angèle avait retrouvé la foi, tandis que Jeanne était enfin en paix avec elle-même et le monde. Toutes deux formaient désormais un couple paisible et sage. Un matin, un paysan vint taper au carreau de l'atelier, et Corentin lui fit signe d'entrer. L'homme roulait son bonnet dans ses mains, n'osant prendre la parole, se dandinant d'un pied sur l'autre. Il paraissait avoir la soixantaine bien sonnée, était vêtu à la mode paysanne, d'un pantalon de velours, d'un noir passé retenu par une tailleule rouge, d'une ample chemise de laine à rayures bleues et d'un gilet informe. « Eh bien, bonhomme, qu'est-ce que je peux pour toi ?» L'homme tout sauta pour s'éclaircir la voix. « Je suis venu vous remercier, » annonça-t-il d'une voix grave, à peine audible. Corentin posa son maillet et sa gouge et prit le temps de regarder le bonhomme. Qui était ce paysan ? Il ne le connaissait pas. En revanche, la voix l'avait fait frémir. « Et me remercier de quoi ?» demanda Corentin, intrigué. « Vous ne me reconnaissez pas, » dit-il en haussant le ton. « Remarquez, c'est plutôt bon signe. »« Ah, cette voix !» se dit Corentin, cherchant dans sa mémoire. Tout à coup, il se leva et s'approcha de l'homme pour le regarder sous le nez et vérifier son idée. « Morel, c'est bien vous. Mais vous avez terriblement vieilli. Que vous est-il arrivé ? » Ah, je peux bien vous le raconter, car je vous fais confiance. Vous permettez que je m'asseye, citoyen, dit-il en détachant le mot. J'ai eu bien des malheurs. Corentin allait compatir au décès de son épouse et de sa fille, pensant que c'était ce dont il voulait parler, mais l'homme le détrompa. D'abord, je voudrais savoir si vous avez des nouvelles de ma femme et de ma fille. Un flot de sang monta au visage de Corentin. Morel ne savait rien. Fallait-il tout lui raconter? Non. Il était inutile de le faire souffrir inutilement. La nouvelle de leur mort était déjà bien suffisante. Ah, mon pauvre, se lamenta Corentin en baissant la tête, tant et si bien que mal, que Morel comprit aussitôt. Toutes les deux? Elles sont mortes toutes les deux? Mais comment? Demanda Morel d'une voix tremblante. Leur voiture a été attaquée par des brigands. Après les avoir volées, ils les ont tués pour ne pas laisser de témoins, déclara Corentin, dont la langue avait failli fourcher sur le mot voler. Morel ne répondit pas tout de suite. Il baissa la tête et la hocha plusieurs reprises, montrant ainsi qu'il avait bien compris le drame. Je me doutais bien qu'il leur était arrivé un malheur, sinon mon épouse m'aurait laissé un message. Et votre fils? Demanda Corentin, changeant de sujet en espérant une lueur d'espoir pour Morel. À cette heure, mon fils doit être aux Amériques. La dernière lettre que j'ai eue de lui venait de Bordeaux. Il se préparait à embarquer sur un voilier. Quand le reverrai-je? Peut-être jamais. De sorte que je n'ai pour ainsi dire plus d'héritier. Que vous est-il donc arrivé? Demanda Corentin en montrant l'accoutrement de Morel. Ce dernier lui raconte alors qu'en arrivant à sa bastide, dans le Luberon, le bâtiment était occupé par le métayer et sa famille qui avaient pris leurs aises. L'homme lui expliqua que les révolutionnaires avaient brûlé son logement et qu'il avait eu toutes les peines du monde à les empêcher de mettre le feu à la bastide. Aussi, au nom des principes républicains d'égalité et de fraternité, il avait décidé d'occuper le logis de son maître. Il était hors de question pour lui de rebâtir une autre maison, et il n'en avait d'ailleurs pas les moyens. « Nous t'avons réservé deux pièces, citoyen, » dit le régisseur avec un large sourire. Devant l'ébahissement de Morel, l'homme lui déclara « Sois content que je t'ai ouvert grand les portes. Dans beaucoup d'autres endroits, les maîtres ont été reçus à coups de fourche et de coups de pied au cul. Certains même ont été pendus. Quant à ta pitance, il faudra la gagner. Tu travailleras avec nous, au nom de la fraternité. » Morel était abasourdi, mais il savait que son métayer ne mentait pas. Il dut faire contre mauvaise fortune bon cœur. D'ailleurs, son employé était dans le fond un brave homme. Le maire, consulté, prêcha la conciliation. « Ne te plains pas, citoyen. Tu restes propriétaire de la bâtisse et des terres. Bien sûr, il faudra quand même que tu continues à lui verser son salaire. » Voilà comment Morel de Roncajol se retrouva paysan à cultiver ses terres. Peu habitué à ses travaux, son physique et son moral déclinèrent rapidement. Pour son fils, l'affront était trop grand et il décida d'émigrer aux Amériques. Dès qu'il le put, Morel s'en revint à Aix, espérant bien ne pas être reconnu. « Mais votre maison de la rue de la Masse, qu'est-elle devenue ?» lui demanda Corentin. « Bof, c'est un peu la même chose que dans le Luberon. Ma cuisinière est restée dans la maison, mais elle s'y installait avec ses cousins. D'un côté, c'est une bonne chose, car elle m'a évité d'être pillée. Pour survivre, elle a vendu la voiture et les chevaux, mais c'est un moindre mal. Son frère est un antipolitique influent et protège la maison. Moi, du moment que je lui fais sonner quelques écus de temps à autre, il feint de m'ignorer. Les cousins ne me connaissent pas. Aussi, je passe pour un homme à tout faire. Moi, qui ne sais rien faire, » ajouta-t-il avec un petit rire sec. « Et vous voyez, quand je veux passer inaperçu, je remets mon costume de paysan. » Il y eut un silence, puis, quelques secondes plus tard, Morel continua. « Ah, j'oubliais de vous dire. J'ai adhéré aux antipolitiques, sous un faux nom, évidemment. On ne sait jamais, ça peut servir. Rive-ma à la bonne, je le pourvois en fille, vin fin, mais de choix, et ma bourse lui est ouverte. S'il pouvait en crever. En quelque sorte, je me suis refait une virginité révolutionnaire. » « Quel renard !» pensa Corentin. « On le chasse par la porte et il rentre par la fenêtre. »« Ah » reprit-il encore. « Je me suis finalement rappelé qui était Larieux. Ma femme lui avait trouvé une ressemblance. Et c'était bien le fils d'une servante que nous avions chassée et qui a fini dans la misère. Il a dû vouloir venger sa mère. »« C'est possible, » remarqua Corentin. « Comme je vous l'ai dit, » poursuivit Morel, « je suis venu vous remercier. Ce que vous avez fait avec votre ami Humbert, vous n'étiez pas obligé de le faire. » Corentin l'interrompit. « Non, Moussu Morel, il est inutile de nous remercier. Ce que nous avons fait, c'était parce que nous le voulions bien, disons que ça correspondait à notre morale. Bon, je trouverai bien moyen de vous obliger. N'oubliez pas que je suis notaire, » insinua-t-il avec un sourire. Corentin refusa la tête et s'assit à son tour. « En revanche, vous allez peut-être pouvoir me rendre la monnaie de ma pièce. » Il lui expliqua alors ce qui s'était passé dans les jours qui suivirent l'évasion de la famille Morel et les problèmes qu'ils avaient rencontrés. Il ne lui cacha rien de ce qu'il avait fait. Morel était un homme d'une moralité pragmatique et il ne trouva rien à redire, il approuva même les propos de Corentin. « De sorte, conclut ce dernier, que j'ai identifié trois hommes dans cette affaire, Larieux qui est mort, un autre, racaille de bas étage, que j'ai assommé, et un troisième, dont je connais l'existence mais pas le nom. Je pense que c'est celui qui a dû vous proposer l'affaire en premier pour vous affoler. Vous vous souvenez de lui ?» Morel se passa les mains sur le visage pour chercher dans ses souvenirs. « Oui, ça me revient. C'était Ronchin, un de mes anciens valets de ferme. Je m'étais séparé de lui parce qu'il était encore plus voleur que moi, » dit-il en riant sous cap. « Vous savez où je peux le trouver ?»« Je me renseignerai discrètement. Je peux bien faire cela pour vous, d'autant que moi aussi je dois me venger de lui. Et vous allez aussi l'oxyre, celui-là ?»« Si je ne peux pas faire autrement, oui, sans hésitation. »« Alors je vous aiderai du mieux que je pourrai, » promit Morel. L'entretien semblait terminé. Morel se leva et donna une accolade à Corentin. « Vous nous avez sauvé la vie, même si ma femme et ma fille sont mortes, je ne l'oublierai jamais. » Puis tournant sur lui-même, il ajouta « Je n'oublie jamais rien, en bien comme en mal, souvenez-vous-en. » Morel partit, Corentin traversa la rue et entra chez Anisset. « Tu as de drôles de clients, frérot. Tu crois qu'il t'achètera quelque chose ? C'était le père Morel. »« Morel ? Oh, pauvre !» s'écria Anisset. Corentin lui résuma la teneur de leur entrevue. Il était normal qu'Anisset fût au courant, puisque le remerciement allait aussi à lui.